Le sang deviendra jamais de l'eau. Jamais. On peut pas si je deviens parano. Je suis venu, je repartirai solo. Ah ouais. Ensemble depuis minot les gajos. Ensemble depuis minot les gajos. J'oublie pas d'où l'on vient, le chemin est très long. Passer du terrain, foot au pilon, guitar crier, canis ça dans le caleçon. Mais j'avance tranquillement, pépélé avec les loups de la bande. Posé dans le bâtiment, à mort vivant, vient réclamer sa mort. Je souris, tout est bon, mais bon, tu sais pas ce que je vis derrière ces gars. Bâtard, tu viens me laver, pompe que quand le buzz toc toc à ma porte. La rue la vraie, c'est en bas, je reconnais les vrais. La rue la vraie, la solution à tes problèmes. C'est comme ça qu'on règle les affaires. Qu'il arrive, surveille tes arrières. La rue la vraie. La rue la vraie. La rue la vraie. Depuis tout petit gros je connais mes repères. Et la nuit je suis du père, je me lève et j'ai des siens. J'enchaîne des showcases et toi tu grattes des pièces. Toujours dans le fond du bec mais je suis plus sur le R. La peau vient de Namek, la verre comme Piccolo. J'ai pas besoin des leçons pour rentrer des euros. J'ai toujours le bras long comme le mec au chapeau. Je suis tombé du perso pour finir dans le hall. Gros j'ai les crocs et je vais briser le dos. Je tire une barre et je me tue les neurones. Faut que je me casse, il finit sur la côte. Les comptes ils nous pissent, faut que je casse ma team. Maillé pour la famille, le monde est en me suit. Faut que j'ai les vestis, les missions accomplies. J'quitte toujours la bibi, mais mon cœur est maudit. La rue la vraie, et t'en bas je reconnais les vrais. La rue la vraie, la solution à tes problèmes. C'est comme ça qu'on règle les affaires. Quoi qu'il arrive, surveille tes arrières. La rue la vraie, la rue la vraie. Désavantagé, jamais privilégié. Donc je charbonne des fois plus pour être au sommet. Assure-toi d'être vrai pour être bien entouré. Si toi-même t'es faux, l'entourage peut pas être vrai. Bug ceux qui parlent, qui veulent décourager. Besoin d'un copine juste pour me soulager. Elle donnerait son cul juste pour prendre de l'argent. À part la signature, y'a rien qui j'ai changé. J'étais présent quand j'allais bien. Mais je t'ai pas vu quand j'étais dans le mal. Quand c'est chaud, on sait qui baisse les armes. Quand c'est chaud, on sait qui baisse les armes. La rue la vraie. Le temps pas, je reconnais les vrais.